Nous entamons maintenant la deuxième heure de Plectrum, la grande traversée du jeudi sur les ondes de CISM 89.3 FM. Pour ceux qui ne savent pas, je suis André Plaquet et je suis l'animateur. On va débuter maintenant avec du bon vieux rock. On va avoir entre autres du MC5 et du Boohoo. Je vous rappelle mes coordonnées. C'est le plectrumcism@hotmail.com pour m'envoyer un courriel. C'est le plectrumcism.blogspot.com pour avoir plus de détails sur la programmation de l'émission. On débute dès maintenant avec un bon groupe de chenoux, Bionic et la pièce Black Blood. Yeah. Yeah. Bonjour les petits animaux, c'est André Péloquin et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit. On vient de terminer avec du bon vieux MC5, c'était la pièce High School. Un peu avant, on avait America de Boohoo et on a débuté avec Bionic, c'était la pièce Black Blood. On va y aller dès maintenant avec des trucs un petit peu plus hipster, avec des trucs électro. On va voir entre autres du Crystal Castle, une nouvelle pièce de Dandy Wynn, un classique des Georges Leningrad, ainsi qu'un remix des Duchess 16. Si vous avez un iPod et le logiciel iTunes, je vous invite à visitez mon podcast, ma balado-diffusion si vous préférez. C'est au podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Black Flag, le Pirate Sound System Remix de Duchess 16 sur Plectrum. Yeah. dire de plus que bonjour tout le monde. C'est toujours Plectrum sur les ondes du 89.3 FM. Et on vient de terminer avec Love and Caring de Crystal Castle. Un peu avant, on avait Monster Dinosaur de Dandy Wynn. On a aussi eu Supa Dupa de George Leningrad. Et on a débuté avec Black Flag de Dutch Essays. C'était le Pirate Sound System Remix. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus hip-hop. Mais avant, je vous rappelle les coordonnées de la station de radio pour visiter notre site web. C'est au cism893.ca. On va voir entre autres du Ghislain Poirier en compagnie de Beans. C'est son classique Cold As Hell, mais remixé par Maxime Robin. En parlant de Ghislain Poirier, le 1er février, lors de l'édition du 1er février de Plectrum, on va avoir un Plectrum Remix de Ghislain Poirier. Il nous a préparé un mix d'une 20-30 minutes de pièces. Ça devrait être incroyable. Il vient de m'envoyer ça, je ne l'ai pas encore écouté, alors on va le découvrir ensemble. Il est en concert d'ailleurs, on va vous en parler plus en détail lors de cette fameuse édition du 1er février. On va aussi avoir du Team Facelift, un autre groupe de Montréal, Thunder Ice, la pièce Anthem qui est excellente. Restez à l'écoute seulement pour écouter cette pièce, c'est ma découverte de la semaine. Si c'est pas du mois, Thunder Ice en 2007, ça va faire du bruit. Mais avant, allons-y avec Spankrock qui nous parle de notre comédienne préféré à tous et fille white trash invétérée Lindsay Lohan. Why you showing them coochie lips? Getting up out your car. Paparazzi hanging all around you, bitch. You know you a superstar. Why you showing them coochie lips? Getting up out your car. Paparazzi hanging all around you, bitch. You know you a superstar. Why you showing them coochie lips? Getting up out your car. Paparazzi hanging all around you, bitch. You know you a superstar. Why you showing them coochie lips? Getting up out your car. Paparazzi hanging all around you, bitch. You know you a superstar. Doggy style, missionary, brown eye, quite contrary, like a slick, like it hairy. Gourmet still don't taste me very. Boys they come, friends they go. Beatles with the snow. Call me wild, I don't know. I'm bona fide, OG ho. Put your panties on, put that pussy away. Put your panties on, put that pussy away. Look like a baby put rat. Put your panties on, put that pussy away. Put your panties on, put that pussy away. Look like a baby rat. That cheese. Hey fellas, one for the money, two for the champagne. Everybody famous Roosevelt Hotel. 3-4 flight to Sao Paulo, Brazil. Come stains on your dress and you wear so well. Boogie down Melrose, LA froze, same day hell froze. Average Joe's got a lot of hell knows, except for the club it never snows, huh? So sexy, it's banging and disgusting. Tell the girl put her panties on, she lunching. Berlin, Bmore, Hollywood, Brooklyn. Wish she shake it, make it hard to stop looking. Good, baby, on the silver screen, behind the DJ booth and in the magazines. Lost youth on the dance floor, finding the truth. Getting loose like pussy juice, huh? Take your panties off, show your baby around. Take your panties off, show your baby around. Look like I'm taking your rap. Here we go. This is serious. going down with a ball. H-E-I-S-E, new skaters, breakers, now leave. Make room on the floor, get more when I flex my gangsta ways. A thousand Dominicans going bananas. I was there with the digital camera, I flipped it up, my shirt undone, chest hair style like a perfect sun. Need it, got it, the work it done. Say ginger stop, you gonna hurt someone. I be Kareem, HIV, penthouse, HMIC. In the barrio is Ben Aki. I'm a VIP around NYC. Listen up, we switched it up, buckled down then ripped it off. We shipped it out and then shipped it off. My CD comes with a dipping sauce. We dipping chicken in it, dipping chicken in it. We dipping chicken in it, dipping chicken in it. We dipping chicken in it, dipping chicken in it. Come on, get it, marinade. Damn, damn, shake it, babe. Come on, get it, marinade. Damn, damn, shake it, babe. Come on, get it, marinade. Double downs, keeping my eyes tinted. The front is prowess with ascendancy. Comes highly recommended whenever ball beam invented. Father of your abortion, wall zero style stimulant. I'm winning, move smooth, wrong move. Grumpy grizzly bear, electric chair, grandma. Phage your bed, iamic pentameter. Hits heads with a hammer, no stamina. You the last horse in the finish. Like two fat chicks struggling to stay in shape. Fighting over a chocolate cake. Leanne, when I run, smack the Pope Adam seeds like they was freshly squeezed. Wore your mouthpiece, crying like a woman childbearing. Face with the clarity of a black cat on a white sofa. Your shit is over. I'm cold as hell. I'm cold as hell. Expel and excel and exhale. Rock the mic so well, can't you tell I'm cold as hell? Expel and excel and exhale. Rock the mic so well, can't you tell I'm cold as hell? Pick your face up, use your head for more than a target. When I touch your microphone, I seen spine a bit fiddle with more backbone. Break fools like 1st of April, bring sorrow to joy. Spoil your best, a pocket full of apocalypse erupts from these lips. You a pale statistic, make you a ghost, don't gamble. Y'all are eggs, a poke egos, don't brawl. I choke y'all like a collar that's too small. Eagle claw, roar to the riffing, to be pacific. My hands are hazard, will rock you like a hurricane. So tight, boss, and strangle the mic as my disdain is burning. Your decline is like a road without turning. I'm cold as hell. I'm cold as hell. Expel and excel and exhale. Rock the mic so well, can't you tell I'm cold as hell? Expel and excel and exhale. Rock the mic so well, can't you tell I'm cold as hell? I'm cold as hell. I'm cold as hell. I'm cold as hell. I'm cold as hell. I'm cold as hell. I'm cold as hell. I'm cold as hell. I'm cold as hell. Justin Poirier en compagnie de Beans et remixé par Maxime Robin. C'était la pièce Cold as Hell sur Plectrum, la grande traversée du jeudi. Je m'appelle André Péloquin et on a aussi écouté du Team Facelift. C'était la pièce Dipping Chicken. On a aussi eu du Thunder Ice de Montréal avec Anthem et on a débuté avec Spank Rock. C'était la pièce Lindsay Lohan ou Lindsay Lohan. Je ne sais pas trop comment le prononcer et honnêtement, je m'en fous un peu. On va terminer l'émission dès maintenant avant le palmarès du jeudi. On va voir des trucs un petit peu plus pop. Tout d'abord, histoire de terminer en beauté, une nouvelle pièce de Arcade Fire, c'est la pièce Black Mirror. On va aussi avoir du Swan Lake avec la pièce Nobile Days. On va aussi avoir du Hidden Cameras avec Learning the Lie et si on a le temps, du Flames avec Stay Off MySpace. Je m'appelle André Péloquin. On peut me visiter au plectrumcism.blogspot.com, au podmodernisme.blogspot.com. On peut m'écrire par plectrumcism@hotmail.com et le site web de la station de radio, c'est le csm893.ca. J'ai 27 ans, je suis sagittaire, j'ai quelques poils blancs, mais toutes mes dents. Bonsoir. I'm sisters are expecting more, and of course we'll take them in. But we cling to another, we dream of another. New holidays are the days that stay, they stay on a hunter's face. We cling to another. Party, it's a call. Girls, Chris. burn them like a log, and tie them to an IKEA tree if he sets one foot on my space. This is too big. I need a tight place. A tight place to put it is what he said in convoluted tones and thinly veiled threats. Thinly veiled threats. Thinly veiled threats. Thinly, thinly, thinly, thinly, thinly, thinly. Lay it sound, say you say,